Au XIIe siècle, l'évêque Maurice de Sully lance la construction de la cathédrale. Pour faire place, l'ancienne église Saint-Étienne est démolie. Le quartier devient un vaste chantier, animé jour et nuit. Le roi Louis VI facilite le projet en faisant construire le pont au change et une grande rue pour acheminer matériaux et ouvriers. Autour de la cathédrale, 12 paroisses voient le jour, centrées sur l'Eucharistie et la confession. Après l'expulsion des Juifs en 1182, leur synagogue devient l'église Madeleine en la cité. Baptêmes et funérailles, eux, restent réservés à Notre-Dame. Sur la rive sud, l'Hôtel-Dieu soigne pèlerins et malades, bien situé pour profiter de la lumière et de l'eau. Il restera là jusqu'à son déplacement au XIXe siècle. À proximité, le palais épiscopal, reconstruit vers 1170, mêle résidence, chapelle et tribunal. Il symbolise le pouvoir de l'évêque jusqu'à sa destruction après les émeutes de 1830. Un projet de reconstruction, signé Viollet-le-Duc, ne verra jamais le jour.